ne savent pas quoi faire du présent. J'ai vu les champs dévastés, les empires décadents. J'ai vu les ruines du passé, vestiges d'un autre temps. Oui, mais tu sais que la vie, c'est pas que ça. Tu sais qu'on peut attendre autre chose. Tu sais qu'il faut se battre et laisser à la terre une issue. Tu sais qu'il faut laisser régner les premières lois absolues pour que tout ait une chance de commencer. Parce que tout vaut la peine d'être essayé. J'ai vu la foi des parents déchirée, délavée par le temps. Le vent si furieux tentait de tout nettoyer. J'ai vu les ordures s'entasser, les décharges s'encombrer. J'ai vu la fumée d'une usine embrumer l'océan. Oui, mais tu sais que la vie, c'est pas que ça. Tu sais qu'on doit attendre autre chose. Tu sais qu'il faut se battre. Say yeah.